France Inter. Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Salvador Dali, l'éclosion d'un génie. Il était à la fois peintre, sculpteur, écrivain, scénariste, créateur de mode. Rien ne semblait lui résister. Salvador Dali est considéré, avec Pablo Picasso, comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Pour ses œuvres, bien sûr, ses fameuses montres molles, le grand masturbateur, le Christ de Saint-Jean de la Croix et bien d'autres. Mais aussi pour son personnage. Toute sa vie avec ses fameuses moustaches, Dali a multiplié les provocations et cultivé son image de dandy excentrique et théâtral. Doté d'une incroyable énergie créatrice, il disait « Je suis en état d'érection intellectuelle permanente ». Salvador Dali était persuadé depuis l'enfance d'être un être à part. À 16 ans, il écrivait « Je serai un génie, le monde m'admirera, je serai un génie parce que j'en suis certain ». C'est de l'éclosion de ce génie que nous allons parler. Quand en 1921, Salvador Dali, jeune homme timide et fantasque de 17 ans, quitte sa Catalogne natale pour Madrid, où il va étudier l'art, se découvrir lui-même, grâce à deux personnages promis comme lui à un grand destin, Luis Buñuel et Federico García Lorca. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Julie Birman, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes scénariste de BD, on se souvient de votre série consacrée à Pablo Picasso, plus récemment, toujours avec le dessinateur Clément Aubrerie. Vous vous êtes attaqué à un autre grand artiste, Dali. Et le premier tome, Dali avant Gala, est sorti en 2023 et a reçu le prestigieux prix René Goscinny pour le scénario. Et c'est vous, donc Julie Birman aussi, qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans un instant. Salvador Dali, ce personnage extraordinaire dont la vie traverse tout le XXe siècle, ça doit être du pur bonheur, non, de raconter son histoire pour un auteur? Alors c'est un personnage d'une extrêmement grande drôlerie en fait, c'est une sorte de clown, son idole c'était Buster Keaton et à le dessiner en bande dessinée c'était un plaisir, Dixit le dessinateur, car moi je n'ai fait qu'inventer l'histoire, mais c'est vrai qu'en fait il a ce côté totalement clownesque allié à un sens de l'humour et du burlesque complètement inné. Et comme souvent, c'est aussi parce que c'était un grand introverti. Alors, c'est ça que va raconter la fiction de ce soir, mais c'est comment cet introverti qui a grandi dans un petit trou en Catalogne va devenir cette star internationale qui est morte déjà depuis des décennies. Et pourtant, les jeunes aujourd'hui le connaissent encore et je pense qu'il a réussi à atteindre ce dont il rêvait, c'est-à-dire l'immortalité. Et c'était ça qui était assez passionnant d'essayer de comprendre en me plongeant dans l'univers de Dali, c'est comment il a réussi, parce que vraiment il part de très loin. Il est connu pour son art ou pour ses phénomènes, un peu ses shows qu'il donnait? Alors moi, je mélange pas tellement en fait son œuvre de son personnage, parce que son personnage en fait c'est sa fabrication, et ouais. C'est ça qui est assez finalement, c'est comme ça que je l'interprète à la fin, c'est qu'il s'est créé ce personnage, ce clown, comme pour masquer qui il était vraiment et pour derrière cet énorme personnage presque grand guignolesque, exister avec sa liberté d'artiste. Alors donc il n'est pas toujours facile de faire la part entre la vérité et la légende de ce personnage, hein, puisque Dali, il a façonné donc lui-même cette légende, il l'a écrite dans des autobiographies, donc il faut faire la part entre les deux aussi. Notamment, il a même parlé de sa vie prénatale. Ce qui est quand même cocasse. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ce qui me saisit, moi, avec Dali, c'est son extraordinaire franchise, en fait. Ouais. Derrière toutes ses outrances verbales, derrière son inspiration débordante, sa sève auto-érotique, il y a en fait d'abord une franchise absolue. Et c'est ça qui m'a saisie quand j'ai lu sa vie secrète, la vie secrète de Salvador Dali, qui pour moi est une œuvre absolument, un chef-d'œuvre en vérité. C'est sa franchise et en fait c'est totalement baroque, mais c'est totalement lui. Et c'est ça qui fait qu'en fait on est happé dans la lecture de son œuvre et qu'on se rend compte que entre le personnage, ses tableaux et son écriture, en fait, il y a toute une fabrication, il y a une cohérence. Et des correspondances, oui. Donc le Salvador Dali que l'on va découvrir dans un instant ne ressemble pas vraiment à l'homme élégant et sophistiqué qu'il deviendra plus tard. Il a 17 ans, il vit chez ses parents, timide, introverti, il a les cheveux longs et gras. Mais c'est déjà un artiste affirmé à ce moment-là? Alors, je ne sais pas, en tout cas c'est un surdoué. Ouais. Picasso l'appelait le hors-bord. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des idées tout le temps, qui vrombit d'idées. Un artiste, il est presque fou déjà, en fait. Il est totalement inassimilable à la société. Il sait évidemment dessiner. Il a cette puissance de concentration qui caractérise les surdoués. Il a ce génie du dessin. Il est totalement passionné par ça. Alors oui, c'est un artiste, mais c'est assez exceptionnel qu'il ait réussi à exister. Parce que des gens surdoués qui restent enfermés dans leur maison sont légion, en fait. Mais en même temps, il connaît la peinture, il a une culture de la peinture, il connaît les impressionnistes, et il est même, il dit qu'il est surréaliste depuis l'enfance. Alors, c'est un peu aussi une manière de se moquer d'André Breton et son manifeste du surréalisme de 1924. Alors, quand il est petit dans sa ville natale de Figueras, il est abonné à des magazines d'art. Donc, il s'enferme dans sa buanderie et il lit ça et il recopie. Donc, ça, c'est une première façon qu'il a eu de se cultiver. Ouais, dans sa buanderie, il se met dans la baignoire, il met de l'eau et, ouais, et il barbote là-dedans. Il se met nu dans sa baignoire avec sa couronne trop petite et sa cape d'hermine et il regarde ses Gowan, donc c'était ses revues d'art. Et ensuite, en fait, il va être envoyé chez un ami de la famille qui s'appelle Pichot, et en fait où il y a des peintres qui sont un peu impressionnistes et qui sont exposés dans la tour du Moulin. Et donc c'est très important pour lui ce séjour qu'il va effectuer chez les Pichot, où il va notamment peindre des cerises, avec des vraies cerises et des fausses cerises, et il va faire déjà ces jeux de mimétisme qui vont être très emblématiques dans son travail, on va le voir. 1921, c'est l'année de la mort de sa mère et aussi celle de son départ pour Madrid, donc pour l'école des beaux-arts. Mais on va le voir, c'est surtout au musée du Prado qu'il va apprendre la peinture et à la résidence, la fameuse Residencia des étudiants, qu'il va se découvrir lui-même, on peut dire. Julie Birman, on se retrouve tout à l'heure pour poursuivre la discussion. Tout de suite, Salvador Dali, l'éclosion d'un génie, un texte de vous, Julie Birman, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Personne ne vient me déranger ici. C'est le lieu de ma solitude outrancière. Au mur, des dizaines de boîtes à chapeaux recouvertes de mes dessins, et au milieu, moi, assis dans mon baquet. Je fais couler l'eau du réservoir, chaude du soleil de la journée. Nu, comme la fille de la source, peinte par Ingres, crayon en main, je dessine. Mon Hélène de Troie au pied d'une tour, cheveux au vent parmi les cailloux. Je commence par ses sandales et je finis par sa chevelure. Salvador, descends tout de suite. Ici, je suis protégé de tout. Je pose sur ma tête ma couronne d'or et de topaze, celle que j'ai reçue à mes 7 ans pour la fête des rois. Elle est bien trop petite, elle me fait un mal de chien. La douleur se diffuse dans tout mon crâne, mais je ne l'enlève pas. Au lieu d'un long cri, mon cerveau expulse un jet d'images, ricochet d'infini. À 6 ans, je voulais être cuisinière, à 7, Napoléon, et depuis, mon ambition n'a cessé de croître, comme ma folie des grandeurs. Salvador, papa t'attend dans la chambre mortuaire. En 1921, Salvador Dali, 17 ans, vient de perdre sa mère, Felipa Dome et Domenech de Dali, foudroyée par un cancer. Jusque-là, il avait vécu adulé, choyé dans la maison de son père, notaire à Figueras, petite ville de Catalogne, où il a poursuivi une scolarité chaotique. Car Dali, comme son idole, Pablo Picasso, est un cancre. Ses professeurs ont bien essayé de le mettre dans le moule commun, mais Dali, contrarié, se mettait à hurler, juché sur une table. Alors, ils l'ont laissé à ses rêveries. Et s'il n'a pas été renvoyé, c'est que son père est un généreux donateur du lycée. Dans la chambre conjugale, le père de Dali, Don Dali et Cousy, veille sa femme défunte, tandis que la sœur de Dali, Anna Maria, chante une berceuse en catalan. Felipa, ma bonne et tendre épouse, maintenant que tu n'es plus là, qu'est-ce que nous allons devenir ? Moi, et ton fils, surtout. Tiens, le directeur du lycée m'a rendu le cahier qu'il lui avait confisqué. Tiens, regarde. Il y consigne ses activités économiques. Alors, acheter des pièces de 5 pesetas au prix de 10 pesetas. Voilà. À la récré, tu penses, tous les garçons se sont passés le mot. Et dans les marges, ces exclamations enthousiastes. Danae et sa pluie d'or n'ont qu'à bien se tenir. À moi la richesse. Voilà. Mon épouse adorée, je crois qu'on n'arrivera pas à en faire un notaire. Oh non, n'aie pas peur, ma fille, c'est juste un galet tombé du tableau de Salvador. Dieu sait pourquoi ton frère a collé des galets pour figurer des nuages. Ton frère a toujours des idées bizarres. Encore un. Oui, un peu de glu, il n'y paraîtra plus. Voilà, papa. Voilà. Tes nuages se décollent, mon fils. Et toi, Felipa, qui voulais en faire un artiste. Non, mais franchement, tu vois notre enfant dans une soupente, comme ces êtres faméliques qui hantent les cafés des grandes villes, le condamner à une vie de misère et de crève-la-faim. À moins qu'il ne soit professeur. Oui, oui, professeur de dessin, ça serait déjà ça. Tu entends, Salvador ? Voilà pourquoi je t'ai fait venir. Tu veux toujours aller aux Beaux-Arts de Madrid ? Oui. Bien. Je consens à ce que tu te consacres à ces activités peu rentables, mais à l'unique et seule condition que tu t'engages à devenir professeur de dessin. Alors ? D'accord. Ah, mieux que ça. Jure. Jure sur ta mère morte de faire tout ton possible pour devenir professeur de dessin. Je jure, père, de faire tout mon possible pour te satisfaire. Pas de pouilleux chez les Dali. À 6 ans, je voulais être cuisinière. À 7, Napoléon. Et depuis, mon ambition n'a cessé de croître, comme ma folie des grandeurs. Et c'est ainsi que le jeune Dali, accompagné par son père, se rend à Madrid, où il passe le concours des Beaux-Arts. Le sujet, reproduire avec la plus grande précision une sculpture d'Apollon terrassant le serpent de Delphes. Pour un jeune homme aussi talentueux, une simple formalité, pourvu seulement qu'il suive les consignes. Alors, tu as réussi, mon fils. J'ai fait un très bon dessin. À la taille demandée, avec les outils requis. Crayon et fusain. Bon, il est un peu petit. Ah, petit ? Mais petit comment ? Trop petit. Petit comme une fourchette, comme un ticket de cinéma ? Non, c'est si petit que ça ! Mais tu as le temps de le refaire ? Bien sûr, il me reste 2 jours. Le concierge de l'académie me l'a bien précisé, le plus important, ce sont les consignes. Il faut suivre les consignes à la lettre. Le lendemain, au sortir de l'examen... Alors ? Il est bien. Ah, à la bonne taille ? Trop grand. Non, vraiment ? J'ai pas la place pour mettre les pieds. Mais non ! Et au sortir du 3e et dernier jour du concours... Ah, alors cette fois, il est bien ton dessin ? Oui, mais encore plus petit que le premier. Oh, ce garçon me tuera. Une quinzaine de jours plus tard, les résultats arrivent par la poste. Le père tremble en ouvrant la lettre de l'académie. Quoique trop petit, mais eu égard à la perfection du dessin, nous dérogeons à notre règlement et admettons exceptionnellement Salvador Dali dans notre vénérable institution. Alléluia ! À cette époque, Salvador Dali, qui est très maigre, s'habille dans le style rapin 1900. Vêtements trop larges, favoris en forme de côte de porc, cheveux longs et gras, bande moltière blanche et longue cape noire. Il est aux antipodes des garçons dans le vent de son temps, cheveux gominés, peignés en arrière, souliers cirés et pantalons de golf. Justement, en voilà deux qui arrivent. Nous sommes un dimanche matin dans le hall de la Residencia de Estudiantes de Madrid, une institution novatrice, fort prisée de la bourgeoisie éclairée, où Dali vient d'emménager. Deux jeunes artistes, qui forment alors le duo à la mode et qui un jour deviendront célébrissimes, l'un comme poète et l'autre comme cinéaste, reviennent ce matin d'une fiesta. Ils rentrent se coucher lorsque Salvador, lui, le provincial studieux, sort sa boîte de couleurs en bandoulière. Je te parie qu'il va peindre le lever de soleil. Et que ses tableaux impressionnistes sont sages à pleurer. Arrête, Louis, il va t'entendre. Un tchécoslovaque en goguette. Ne faites pas attention à ce chien d'Aragon, il a trop bu. Je m'appelle Federico Garcia Lorca et je serai ravi de faire plus ample connaissance. Je m'appelle Salvador Adil, artiste peintre. Mais je dois vous laisser, j'ai rendez-vous avec des génies véritables. Ah ? Et ? Mais qui c'est ce type ? Il vient de te le dire, Salvador Adil. Oh, j'adore. Je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous avec des génies véritables. Il t'a tapé dans l'œil, Federico. Hein ? Attends un peu de voir ce qu'il fait, tu vas déchanter. Et tu m'as l'air bien au courant. On paraît quoi ? Que c'est un nul fini qui copie les peintres à papa ? Une bouteille de Marquès de Riscal. Oh. Le jeune homme sous le charme de Salvador Dali est Federico Garcia Lorca, un jeune poète et musicien de 23 ans. Originaire de Grenade, il est déjà adulé d'une foule de jeunes gens qui viennent l'écouter causer, réciter et jouer du piano. Son meilleur ami, massif, sportif, peu expansif, est en tout point son strict opposé. Luis Buñuel, c'est son nom, change d'étude comme de chemise et parvient très facilement à hypnotiser les gens. Alors, artiste ou pas artiste, le Tchécoslovaque ? Bon, en attendant de découvrir le Proto Rose, ça te dit une petite course autour du stade ? Bof. Allez, trois séries et 100 pompes, rien de mieux pour dessouler. Non, plutôt un grog et au lit. Je vais songer à ce Salvador. Un peintre tchécoslovaque. Non, mais comme ils y vont. De pur débile. Seulement, ce garçon aux yeux veloutés, Federico. Je l'ai entendu jouer du piano dans le foyer. Il improvise des tangos et des habaneras à sa volonté. Et quand il récite des poèmes, comment un type aussi magnétique pourrait être ami avec l'autre rustre ? Enfin, bon, court sur pattes, joue de bébé. Mais dès qu'il parle, son regard s'allume, un feu d'artifice, on le suivrait au bout du... Qu'est-ce que je raconte ? Redescends, Salvador. Tu as rendez-vous avec tes amis véritables. Deux, tu as tant à apprendre. Les amis véritables que Dali prétend retrouver habitent au musée du Prado. Le premier, c'est Jérôme Bosch, peintre flamand dont l'enveloppe corporelle a vécu à cheval sur les 15e et 16e siècles, mais que ses tableaux ont rendu immortel. Car qui, en vérité, pourrait rivaliser avec son imaginaire débridé, avec le fourmillement de ses créatures fantastiques ? Salvador Dali assimile son bestiaire insensé en le redessinant. Dans l'enfer de Bosch, il y a un oiseau sur une chaise haute, corps bleu, main crochue. Un chaudron de fonte sur la tête, il avale placidement un damné à qui sort par le cul une flamme et un essaim d'hirondelles. Bien meilleure compagnie que ces noceurs de la Residencia, pas vrai Diego ? Ce Diego est son deuxième copain. Pourpoint orné d'une croix et moustache à la mousquetaire, un pinceau en main, c'est Diego Velázquez, peintre baroque de la cour de Philippe IV. Sur ses Ménines, peut-être le tableau le plus célèbre d'Espagne, l'artiste s'est peint au travail sur le côté gauche. Sur le reste de la toile, on voit au centre la jeune infante en compagnie d'une demoiselle, d'une naine, d'une duègne, d'un garçon et d'un chien. Ce beau monde se pavane dans l'atelier du peintre. Diego, tu es le roi du vertige. Qu'est-ce que ces étudiants imbéciles qui doivent ronfler à l'heure qu'il est y comprendraient ? Pour eux, tes Ménines ne sont qu'un banal portrait de cour. Seulement, ils oublient que tu es là, sur la toile, et que tu t'es figuré, ton pinceau à la main, en train de regarder ton sujet. Or, ce sujet ne peut mathématiquement pas être à côté de toi, seulement devant. Et devant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a nous, tes spectateurs. Tu me regardes, qui te regarde? La toile peinte est un miroir qui ne renvoie pas mon reflet, mais une autre image, constellée d'autres images, puisque dans ton atelier, accroché au mur, il y a des tableaux, un miroir où apparaissent le roi et la reine, et aussi un encadrement de porte d'où surgit un courtisan. 21, 22 tableaux dans le tableau. Oh! Hé, monsieur, on ferme. Oui, oui. Vous êtes toujours le dernier, jeune homme. Et comme tous les dimanches, Dali quitte le Prado harassé et bouillonnant. Seulement ce soir-là, en arrivant devant sa chambre à la Residencia, il s'aperçoit que le matin en partant, il avait oublié de fermer sa porte. Coucou, c'est nous. Dis donc, petit cachotier, t'es pas du tout impressionniste. Oui, mais c'est du pur cubisme, ça. Non, non, non. Ah, tu aimes Picasso, Juan Gris, et même Matisse, mon cochon. Sur cet autoportrait, tu insères un journal comme chez Braque. L'humanité, en plus. Et nous qui te prenions pour un conservateur, Salvador. En fait, je m'appelle Salvador, Salvador Dali. Non, merci, je ne fume pas. Et pourtant, t'as une pipe à la bouche. Oui. Hommage à Magritte. Bon, bah, tu m'as fait perdre mon pari. Ouais, il a parié sur ta nullité. Une bouteille de... Ah, à ce point-là? C'est l'araignée velue, là, au plafond. Ouf. Buñuel est arachnophobe. Moi, c'est les sauterelles. Elles sont immobiles et soudain, spling, elles s'élancent. C'est ça qui est terrible. Elles sautent de manière absolument inopinée. J'ai essayé de faire ça au lycée en me jetant du haut des escaliers. La première fois, j'ai saigné. Les autres fois, les copains se postaient en bas et attendaient de voir si j'allais le refaire. Tes premiers fans. L'enseignement des sauterelles, l'imprévisible fascine les foules. Et ça, c'est quoi? Un terrarium. C'est là qu'on met les reptiles, insectes et autres serpents. J'étudie un an l'entomologie. Et tu élèves des brindilles? Presque. Regarde. Le truc imparable pour impressionner sa famille. Il croit que c'est inerte et abracadabra. Oh, ça bouge? Mais enfin, ce sont des phasmes. Hein? Les phasmes, ce sont des insectes. Trois paires de pattes, un cœur, deux yeux, des mandibules, le corps allongé comme une herbe, tantôt vert, tantôt brun, avec, quand il le faut, sur l'abdomen, une simili-feuille. Les phasmes, ce sont les rois du mimétisme. Exact. Et c'est aussi mon but dans la vie. Passer inaperçu, brindille parmi les brindilles, feuille parmi les feuilles, et puis soudain, apparaître pour ce que je suis vraiment, un phasme. C'est génial. Un phobique des araignées rencontre un phobique des sauterelles. Et de leur amitié naît un nouveau mouvement artistique. Oh. Bah on la tient, notre zarzuela, succès. Hey, si on allait fêter ça au Rectors. C'est le meilleur club de jazz de Madrid. Vive le phasmisme. Vive le phasmisme. Dali ne connaît rien de la vie nocturne de la capitale. Et quand il arrive à l'entrée du Rectors, situé au sous-sol d'un palace, c'est un choc. Il y découvre des femmes maquillées, en robes échancrées, les épaules dénudées et montées sur des chaussures à talons. Bah, venez, c'est en bas que ça se passe. Mais qu'est-ce que t'as, Dali? Méduse t'a transformé en statue? C'est cette fille, là-bas. Ouais, rien qu'une grande sauterelle. Hein. Ses aisselles. T'as vu? Elles sont... rasées. Et... Toi, tu savais que les femmes avec un rasoir pouvaient se... L'éclat de la lame effilée qui s'approche de la peau, ce reflet bleuté. Vive le phasmisme! Messieurs, je vous prie, pas de politique, s'il vous plaît. On n'est pas des fascistes, des phasmistes. Bon, camarades. J'ai une annonce à vous faire. Demain, je change de style vestimentaire. Non, on t'aime comme tu es. Non, mais grâce à vous, je suis sorti de mon trou et j'ai compris, j'ai l'air d'un rat des bouts. Mais pas du tout. Vas-y. Quelqu'un trouve quelque chose à redire au style de mon ami? Tu vois? Non, je suis lucide, les femmes se détournent de moi avec dégoût. Bon, si c'est ça, on t'emmène au bordel. Rien à voir. C'est aux femmes épilées que je veux plaire. Le matin suivant, Dali met son projet à exécution. Afin de plaire aux élégantes, celles qui, selon sa propre définition, vous méprisent et se rasent les aisselles, Salvador se fait couper les cheveux. terrible épreuve pendant laquelle il croit revivre la tragédie de Samson aux mains de Dalila, avant de se regarder dans le miroir. Sur sa lancée, il se rend chez le tailleur, où il commande le plus chic des costumes, une chemise bleue aux boutons de manchette en saphir. Revêtu de ses nouveaux atours, il retrouve Lorca et Bunuel à la terrasse d'une brasserie à la mode. Il est méconnaissable. Rudolf Valentino en personne. Matinée d'un petit air à la Buster Keaton. Salut. Dis donc, t'es beau comme un camion. S'il vous plaît. Oh, vise-moi un peu les boutons de manchette. Et cette gomina. Et t'es peigné comme un disque phono. Hein. Regarde-moi ça, Louis. Oh là là, touche tes cheveux. J'ai mis du vernis à tableau sur mes cheveux. Fais voir. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'on boit ? Aucune femme ne va plus te résister, Salvador. Le trio boit un vermouth aux olives, tandis que Dali et Lorca se dévorent des yeux. Secoue-toi, Dali. Son verre à la main, Salvador pense au philtre d'amour de Tristan et Isolde. Est-ce possible qu'il ait été envoûté ? Avant de choisir mon coiffeur, j'ai arpenté tout Madrid. Et quand il a agité ses instruments au-dessus de ma tête, j'ai eu envie d'arracher le drap et de m'enfuir. Mais j'ai tenu bon en fermant les yeux très fort et en me rappelant quelque chose d'agréable. Et quoi ? J'ai pensé à l'aisselle d'une fille de mon pays au parfum d'héliotrope et de brebis. Une fille ? Et raconte-nous ça. Mais rien ! Elle pleurait. Elle avait plein de morve parce que je lui disais que je ne l'aimais pas et que j'allais partir aux Beaux-Arts et que jamais je ne m'embarrasserais d'une fiancée. Et puis, je lui demandais de me montrer ses seins. Elle le faisait et sa morve coulait. Terrible. Et même machiavélique. C'est elle qui avait la place enviable. Hein. Dans l'amour, rien ne vaut la place du martyr. Ah non, tu vas pas nous refaire ton couplet sur Saint-Sébastien. Et être transpercé par les flèches de la passion. Mantegna, Botticelli, tous les plus grands peintres ont peint leur Saint-Sébastien. Décidément, tu n'as encore rien compris à l'amour. Oh, si tu continues, je vais foutre le feu au Prado. Je vais t'apprendre, Salvador, tu vas voir. Il faut que j'aille aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, ce Lorca ? Et je ne sais pourquoi, je le vois attaché sur sa colonne, torse nu, la tête penchée, transpercée de flèches avec un regard d'extase. Arrête, Dali, tu n'es pas attiré par ce garçon, c'est les filles que tu désires. Et tu vas le prouver. Enfuis-toi, par la porte de service. Voilà. Taxi ! Emmenez-moi au dancing, au Palais des Glaces. Le dancing est la discothèque, la boîte de nuit de l'entre-deux-guerres. Celui du Palacio del Hielo est incontournable à Madrid. Dali y pénètre déjà passablement ivre et il continue de boire. En une seule journée, il a dépensé son argent du mois. Lui, le garçon sage, lui, l'économe, le raisonnable. Champagne ! Suffit que je recrute 4 filles aux aisselles épilées et 2 autres aux aisselles poilues et je pourrai assouvir mon fantasme érotique wagnérien, mon Parsifal. Et tout ira bien. Ça effacera ce garçon qui me hante, ce phoque, cet orque, ce Lorca avec ses doigts agiles et son imaginaire chrétien. Bon, j'arrête. Mieux vaut boire. Hé, hey, dites les filles. Wow. Pardon, ça tente. Pourriez me rendre service ? Je cherche à observer de près des aisselles et puis... Oh. C'est sûrement l'angoisse amoureuse qui me donne le tournis. Oh. Oh. À moins que ce ne soit autre chose. Non, mademoiselle, où sont les lavabos ? Attention. S'approcher des filles, ce n'est pas l'envie qui manque à Dali, croit-il. En vérité, le jeune homme est terrifié. À près de 20 ans, il n'en a jamais approché une, hormis sa petite sœur, ce qui n'a rien d'étonnant dans l'Espagne corsetée d'alors, où les demoiselles ne sortent jamais sans leur duègne. Une société étouffante, insupportable aussi pour Louise Bunuel, qui trouve le premier prétexte pour s'installer à Paris. Là, dès 1925, il apprend les bases du cinéma et presse Dali de le rejoindre. Mais Dali est trop occupé. À Barcelone, le jeune homme, qui a tourné le dos aux Beaux-Arts, fait sa première exposition, un franc succès. Il prépare sa seconde. Et le reste du temps, s'efforce de résister au désir que lui inspire Federico Garcia Lorca. Pour ce faire, il se fait rare à Madrid. Et quand il y retourne, il n'en avertit pas toujours son ami. Mais quoi ? Comment ? Tu es à Madrid et tu viens pas me voir ? Il faut qu'un ami me dise t'avoir croisé et que je te cherche dans toute la ville. Je sors à peine de prison. C'est ça, ouais. Et ma grand-mère a de la moustache? Mais je te jure, le roi est venu faire une visite officielle chez moi à Figueras et ils ont coffré tous les éléments jugés dangereux. Toi, dangereux? Parce que tu t'es fait virer des Beaux-Arts? J'ai été viré pour avoir obéi à la lettre à mon professeur. Il nous a montré une vierge sculptée en équilibre sur une boule et il nous a dit « Avant tout, peignez ce que vous voyez. Ben, » moi, j'ai vu une balance, j'ai pas une balance. Enfin, il se trouve que ton école entière s'est révoltée dans la foulée. Les professeurs ont cru que j'avais fomenté la fronde. « Donnez-moi des noms et vous serez blanchi », m'a dit le directeur. Mais moi, je lui ai répondu que j'étais pas une balance. Et ils ont brandi sous mon nez mon interprétation de la vierge. Et ça, c'est quoi? Une balance? Remarque, de vierge à balance, il n'y a qu'un signe. Hein. Ah, c'est exactement ce que je leur ai dit. D'où mon expulsion. Ce qui n'explique pas la prison. La garde civile est venue chez mon père à Figueras. J'étais tranquillement en train de peindre, nu sous ma robe de chambre. Mais mon Salvador est doux comme un lapin, leur a assuré mon père. Pendant ce temps, j'ai fermé ma robe de chambre avec la première chose venue, en l'occurrence, un fil électrique terminé par une ampoule. Et quand je me suis assis, bing, ça a explosé. Et t'as été coffré? Ouais, à la prison de Gérone. Où j'ai retrouvé tous les copains du temps où j'étais anarchiste, vers mes 17 ans. Et quand je leur ai dit la raison de mon arrestation, ils ont voulu faire de moi leur héros. Dali s'est assis sur une ampoule. Mais j'ai réussi à leur échapper. Et me voilà, Federico. Regarde-moi. Je maigris à vue d'œil. C'est à cause de tes lettres. Mon petit poète si joli, tu es une bourrasque chrétienne et tu as besoin de mon paganisme. Je viendrai te chercher pour te faire une cure de mer. Ce sera l'hiver et nous allumerons le feu. Toi, tu te souviendras que tu es l'auteur de choses merveilleuses et nous vivrons ensemble avec un appareil photo. Pourquoi tu m'écris ça si tu me fuis? Parce que l'amour absolu doit rester inassouvi. Tout ce que nous ne faisons pas ensemble, on en fera des tableaux, des poèmes. Arrête avec ta sublimation, Lannoy. Il ne faut pas avoir peur. C'est toi qui m'as montré le tableau de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices. Justement, tout le panneau de droite, c'est l'enfer, réservé aux pénitents, avec l'oiseau qui bouffe les pêcheurs. Mais t'as rien compris! Cet enfer, c'est celui que les conventions bourgeoises nous font vivre. Et le paradis est pour ceux de l'autre panneau, qui vénèrent les arbouses en bonne intelligence avec les animaux merveilleux. Tu sais ce que ça veut dire en hollandais? Croquer l'arbouse? Faire l'amour. Tu entends, Salvador Dali? Ça veut dire faire l'amour. Et en plus, ce peintre génial, depuis le Moyen-Âge, s'adresse directement à toi. Bien sûr. Tu me crois pas? Alors que forme le rocher avec la limule et la queue de l'hermine? Oui, le rocher au-dessus du lac. Ah, le grand Salvador Dali sèche. Lui qui a pourtant bouffé du Jérôme Bosch tous ces dimanches. Allez, viens. Je vais te montrer. Et Dali suit Lorca au Prado. Il traverse le parc du Retiro, gravisse les marches du musée et se retrouve devant le triptyque de Jérôme Bosch. Là, Dali, en voyant ce qui lui avait échappé sur le pan gauche de l'œuvre, recule d'effroi. Le rocher, avec l'arthropode marin en guise d'œil et la queue de l'hermine en guise de moustache, dessine exactement son profil, à lui, Salvador Dali, d'une façon terriblement troublante. Jérôme Bosch, entre 1490 et 1510, l'a représenté purement et simplement, lui, Dali, avec une moustache certes plus longue que celle qu'il porte actuellement. Pourquoi tu t'enfuis encore? Je vais en crever, je te dis. Je ne suis pas pédé, Lorca. Une femme m'attend quelque part. Elle est dans mes rêves. Elle a grandi avec moi. Ma Galouchka, ma Dulita. Elle est sur son traîneau, sur sa troïka. Elle traverse une forêt enneigée, cernée par les loups. Mais elle n'a pas peur. Elle glisse vers moi. Et un jour, je vais la rencontrer et la retrouver. Si tu ne veux pas faire l'amour avec moi, Emilia se prêtera au sacrifice. Emilia? Et tu vas nous regarder, hein? Emilia? Et nous nous aimerons par procuration. Emilia? Emilia? Et c'est ainsi que Dali, à 20 ans, ne fait pas directement l'amour avec Federico Garcia Lorca, mais par procuration. Grâce à Emilia, une étudiante aux Beaux-Arts, demeure libérée, qui les aime tous les deux. Ce que Dali voit est doux. Emilia et Lorca, qui s'aiment, doux et troublant, mais il se sent absolument incapable de faire lui-même une chose aussi folle. Si ça devait m'arriver, j'exploserais comme une pastèque. Après avoir fait l'amour avec Dali par procuration, Lorca, las de souffrir, prend un amant, tandis que Salvador s'enferme chez son père où il peint d'arrache-pied. Ses expositions successives chez Dalmau, le célèbre galeriste de Barcelone, lui apportent une certaine notoriété. Et quand Buñuel revient de Paris fin 1929, ils se mettent ensemble à écrire un film fortement inspiré de ce qu'ils connaissent de Breton, Aragon, Éluard et de leurs amis. Réchappé de la boucherie de 14-18, après être passé par le dadaïsme, ces artistes français ont créé un mouvement de révolte, le surréalisme. Ils se réunissent tous les jours au bistrot pour explorer l'inconscient, jouer et fomenter des actions provocantes. Mais ils attendent aussi un second souffle. Et si c'était Buñuel et Dali qui allaient le leur apporter ? C'est quoi ton idée de scénario ? Un type qui lit un journal et ce journal s'anime en autant de... Complètement nul. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on raconte nos rêves. Bah vas-y, je t'écoute. La nuit, sur un balcon éclairé par la lune, tu aiguises ton rasoir. Et puis un nuage effilé fend la lune et toi, tu te saisis de la tête d'une femme et schlick, tu éventres son œil. Mais c'est mon rêve. Et le début d'un bon film. Ensuite... On retrouve la femme, les yeux intacts. Elle coud et rêve à l'amour. Ce qui fait apparaître un cycliste. Tu le reconnais. C'est Federico Garcia Lorca, habillé d'une soutane ornée de dentelles. Il passe devant chez la fille et tombe. Au ralenti. Un accident mortel. La fille a tout vu par la fenêtre. Et elle est dévastée d'avoir perdu l'amour de sa vie avant même de l'avoir rencontré. Et l'intensité de son regard... ressuscite l'homme. Il se lève et veut l'étreindre. Pour se défendre, elle brandit une cruche. Non ! Une raquette de tennis. Il bave de désir, mais il n'arrive pas à avancer vers elle, freiné par une charge énorme qu'il tire derrière lui. Une palette de briques. Non, le piano à queue de Federico, surmonté d'un âne mort putréfié. Et c'est comme ça, d'un ping-pong entre Buñuel et Dali, que va naître leur petit chef-d'œuvre cinématographique. Ils écrivent le scénario en 5 jours à Figueras. Oui, comment on l'appelle ? L'abominable rencontre de nos rêves obscurs. Ou il est dangereux de se pencher au-dedans. Tu sais, comme dans les trains, la petite plaque là où on écrit. Pericoloso sporgersi, ouais, pas mal. Ah mais attends, j'ai mieux. Le chien andalou, en hommage à Lorca, cette sale petite bête érotique. Présenté au public à Paris en juin 1929, au studio des Ursulines, Un chien andalou, film muet, fera connaître ces Espagnols de 20 ans du tout Paris des arts et de l'avant-garde. Notre poignard sanglant planté en plein cœur de Paris. Ah, ils vont frémir, les petits bourgeois de la capitale. Sans le scandale qui arrive amené par la racaille espagnole. Mais le soir de la première, je n'étais pas dans la salle du cinéma. Parce qu'une tique m'a sucé le sang à l'hôtel, alors je l'ai arraché avec mon coupe-chou. C'est un grain de beauté, a dit le docteur. Du sang partout dans mon drap. La femme de chambre a bien cru qu'on m'avait poignardé. Quand ils m'ont laissé, seul comme un chien catalan, tremblant de fièvre, aux trois quarts fou, je me suis habillé et je suis allé à la gare, au lieu du cinéma studio des Ursulines. Adieu, ville lumière, je rentre chez moi. Seul comme un chien dans mon train le soir de la première. Seulement Paris est venu à moi. En la personne du poète surréaliste Paul Éluard, il voulait connaître l'auteur du chien andalou et il est venu à Cadaqués dès que possible. Avec lui, Gala, sa femme, renfrognée, de mauvaise humeur. Gala, ma Galouchka. Je ne t'ai pas reconnue aussitôt. Toi qui as grandi en même temps que moi et que j'attendais. Toi qui me guériras. Ma Gradive. Salvador Dali, l'éclosion d'un génie, de Julie Birman, avec Salvador Dali, Emilien Diard de Teuf, Luis Buñuel, David Seguicelli, Federico Garcia Lorca, Nicolas González, le père de Salvador, Charlie Nelson, la sœur de Salvador, Anouk Siboni, et les voix de Jennifer Gaudu, Benoît Gourlet et Julien Rouvière. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Julien Douminc et Maxime de Peretti, assistante à la réalisation Aurélie Miremont, réalisation Baptiste Guiton. Julie Miremont, nous venons de laisser Salvador Dali en juin 1929, au moment où Le Chien andalou, film donc qu'il a coécrit avec Louise Buñuel, est projeté à Paris. C'est une page de sa vie qui se tourne, celle de sa jeunesse à Madrid, qui avait commencé donc en 1921, quand il était arrivé à l'École des Beaux-Arts, et une autre page qui va s'ouvrir après, à partir de 1929. Il y en aura évidemment bien d'autres, puisqu'il mourra en 1989. 1929, ce sera l'année de sa rencontre, on l'a un peu évoqué en toute fin de fiction, sa rencontre avec Gala, la femme de sa vie. Mais concernant cette période à Madrid, donc les Beaux-Arts, la Residencia, on peut dire qu'elle a été décisive dans sa vie. C'est la période déjà de sa métamorphose physique. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est mis du vernis à tableau sur ses cheveux? Alors, ma principale source, c'est Dali lui-même, c'est ce qu'il raconte. Oui. Parce qu'ensuite, Federico Garcia Lorca a été fusillé en 36, donc il n'a pas pu témoigner. Et, par les franquistes. Et Buñuel et Dali se sont terriblement fâchés. Donc, Buñuel n'a pas pu non plus raconter vraiment cette période, mais il parle quand même de Dali et il parle aussi de sa jeunesse et il parle même de Gala, qu'il n'aimait pas du tout. Elle lui était très antipathique et il a même essayé de l'étrangler et de l'assassiner sur une plage. D'accord. Et donc, en fait, c'était vraiment une amitié totalement passionnelle entre Buñuel et Dali, qui s'est brusquement rompue par l'introduction dans la vie de Dali, de cette femme russe, Gala. Et c'est là aussi, à Madrid, dans cette période de 1921-1929, qu'il se révèle en artiste. Mais depuis longtemps, Dali se considère comme un génie, ou du moins il joue à l'être. Je vous propose de l'écouter. Il en parle dans une interview à la radio, c'était en 1956. J'ai passé toute ma jeunesse et presque toute mon adolescence a joué à être un génie, sans y croire. Et c'est vraiment en jouant à être un génie que je l'ai devenu. Je ne croyais pas, je jouais, je simulais, je me jetais des escaliers uniquement pour provoquer l'étonnement de mes confrères de collège. Et après, toutes ces chutes ont devenu vraiment des chutes géniales et j'étais moi-même complètement convaincu, maintenant je suis convaincu que je suis un génie. Mais c'est en jouant à devenir un génie que je l'ai devenu. Voilà, donc Salvador Dali en 1956, être génial et l'affirmer haut et fort. Est-ce que ce n'est pas un peu pour lui une manière aussi d'avoir apprivoisé sa propre folie, de s'être canalisé dans l'art? Si, tout à fait. En vérité, son grand apport au surréalisme, c'est sa méthode paranoïaque critique. C'est quoi ça? Ben c'est en fait qu'il va exactement peindre tous ses délires et en les peignant, il s'en fait en fait la critique. Il est à la fois le fou et le psy. Et c'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment avoir des délires. Donc un de ses principaux délires, c'est de par exemple penser que l'Angélus de Millet, si vous connaissez ce tableau du 19e siècle, c'est un maître français. Oui, c'est deux paysans qui sont en train de prier dans un champ de patates. Un tableau assez ennuyeux, avec une fourche et une prière. Et pour lui, en fait, il l'interprète comme le tableau le plus pornographique qui soit. Ouais. Et en fait, il va nous guider dans son délire. Et quand on le suit, c'est-à-dire on se dit, pourquoi est-ce que cet homme tient son chapeau devant son sexe? Pourquoi est-ce que cette femme a les mains jointes, recueillies comme une mante religieuse prête à sauter sur sa victime, son amant? On commence à comprendre en fait son délire. Et en fait, il écrit par exemple tout un livre qui explique en quoi l'Angélus de Millet est un déferlement érotique. Et à la fin, on en est aussi persuadé. Donc on le suit dans son délire. On est aussi fou que lui et en même temps on le comprend. Et donc en fait c'est ça toute la force de Dali, c'est sa complexité, c'est d'être à la fois fou, à la fois psy et de nous fasciner en même temps. Il a toujours eu cette image d'un fou. À la fin des années 60, il accepte de tourner une pub pour 10 000 dollars pour du chocolat. Il est le premier artiste d'ailleurs connu pour avoir vendu son image comme ça pour de la pub. Il est face caméra, le vieil homme moustachu, les yeux exorbités, s'exclame « Je suis fou, pas « je suis fou », juste « je suis fou », c'est « je suis fou du chocolat Lanvin ». Donc il y a une espèce de suspense comme ça. Et puis ses moustaches, évidemment, à ce moment-là, ses moustaches effilées se redressent mécaniquement. Bon, c'est très amusant, d'ailleurs, on peut voir la vidéo sur Internet. Mais il y a quelque chose de... Voilà, il joue avec cette folie, quoi. Alors là, c'est... Jusqu'au bout de sa vie, quoi. Là, c'est totalement publicitaire et même... Ouais, mais... C'est l'inventeur du happening. Mais on peut aussi se demander si, à quel moment il n'est pas devenu totalement... même le suppôt du capitalisme, alors qu'il partait avant du surréalisme. Et toute sa complexité est passionnante à saisir, si et seulement si on suspend son jugement moral. Parce qu'en fait, Dali, c'est ça aussi, c'est pas du tout une conscience morale. Au contraire, il affirme, avec sa franchise extraordinaire, il a décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il voulait être la courtisane du 20e siècle. Et en fait, d'une certaine façon, il l'a été, parce que Breton va, pour se moquer de lui, l'appeler Avida Dollar, et Dali va se saisir de ça et va le retourner. Et c'est quand même le roi du retournement, il prend tout, et de sa franchise, il recycle tout aussi. Et politiquement, comment se situait Dali, si ces mots ont un sens à son propos? Je vous propose encore une fois d'écouter la voix de Dali. On est 3 ans après mai 68, Jacques Chancel l'interroge dans Radioscopie sur la jeunesse actuelle. Alors, Dali, très matamore, répond de très haut à la troisième personne. La jeunesse actuelle porte à peu près 50 ans de retard. À comparer avec la jeunesse du divin Salvador Dali, qui est votre humble serviteur. C'était quand j'étais jeune, la première chose que j'ai fait, c'est de devenir un traître. C'est-à-dire que j'ai trahi d'une façon sensationnelle ma classe d'origine, qui était la bourgeoisie, pour me livrer corps, âme et bagage à l'aristocratie. C'est pour ça que depuis, mon attitude paraît paradoxale, parce que je suis pour l'aristocratie, je suis pour l'anarchie et je suis monarchique. Je suis monarchique. C'est vrai qu'au début, dans sa jeunesse, il avait salué Alphonse XIII, le roi. Mais enfin, il était quand même anarchiste, il était abonné à l'Humanité. Enfin, c'est assez trouble tout ça. Enfin, c'est peut-être pas très important d'ailleurs. Il est apolitique et ce qui l'amuse, c'est qu'on en glose encore des années après sa mort, je pense. Et le franquisme quand même. Alors oui, ça c'est aussi la zone obscure de Dali. Pour moi, c'est une sorte de Dark Vador en vérité. Parce que c'est vrai qu'il a léché les bottes de Franco, qu'il s'est débrouillé pour que son Cadaqués réussisse à ne pas être bétonné. Le village au bord de la mer, voilà, où il a sa maison. Où il a aussi sa maison. Il a réussi à faire un fantastique musée. Et c'est une courtisane, voilà comme il se résume. Et autre révélation, donc moi je ne connaissais pas du tout cette histoire, on apprend dans cette fiction que vous avez écrite, Julie Birmont, que Salvador Dali aurait eu une attirance amoureuse, sexuelle, enfin on ne sait pas jusqu'où c'est allé, mais pour Federico Garcia Lorca, je l'ignorais. Comment est-ce qu'on en est sûr? Donc ces lettres qui existent, on a ces documents? Ah oui, c'est son grand amour et il est hanté par Federico Garcia Lorca toute sa vie, en vérité. Et c'est là aussi où ça rend Dali très complexe. Donc Federico a été assassiné par les franquistes et après Dali, ça l'a absolument pas empêché de serrer la main de Franco. Donc il y a toute une complexité et une sorte de mollesse. Et d'ailleurs là aussi avec sa franchise, il raconte ça très bien. Il dit que lui, il est totalement mou et qu'il se serait totalement liquéfié s'il n'y avait pas eu une architecture pour le soutenir. Et il raconte que c'est Gala son architecture. Et il a tout aussi toute une théorie particulier sur les crustacés qui ont leur armure à l'extérieur et qui sont mous dedans. Et ils se voient totalement comme ça. Merci beaucoup Julie Birman d'avoir rappelé cette histoire. Votre BD Dali avant Gala, co-signée avec le dessinateur Clément Oubrery, est publiée chez Dargaud. Sur Salvador Dali, je conseille la lecture de la biographie passionnante que lui a consacrée Michel Nuridzani, rééditée en 2024 chez Flammarion. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille, assistée de Frédéric Martin, à la technique Alix Barrois. Voilà, c'est la fin pour ce soir de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en juin 1940 au large de la Bretagne sur l'île de Sein. Au moment où la France sombre face à l'invasion allemande, la quasi-totalité des hommes de l'île de Sein qui ont entendu l'appel de Gaulle sur l'unique poste de radio du café-hôtel de l'océan décident de prendre des bateaux et de rejoindre les forces françaises libres en Angleterre. 1940, quand l'île de Sein était le quart de la France, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.